Désolé bébé si je te blesse, mais il faut que je te laisse. Car c'est l'argent bien sûr qui m'intéresse. Face à nous pourquoi tu te rabaisses, devant les keufs plutôt faut que tu le baisses. Pourtant tu dis que t'as un voyou de la terre. On te fait une dingue, vas-y fais-le, personne te retient. Get majestueux, H24, demande des cours de soutien. M'en branle de ton amour, donc pour toi j'éjacule l'humour. À part chauffer des pizzas, crois-moi que tu chauffes bien dans ton four. Une passe pas ta somme, demande à ta Yvonne. J'flex dans tous les coins, majestueux la scène. Flex, tap, ça boule dans tous les coins. Flex, tap, ça boule dans tous les coins. De Marseille à Paname, ça boule dans tous les coins. Prisma dans nos têtes, ça boule dans tous les coins. Mon gars, c'est soir, ça fête, ça boule dans tous les coins. Attitude, gestuelle, flex. On les cache, que le cache, y'a que ça dans nos têtes. Nous faire la guerre, mais toi t'es bête, on descend chez toi faire ta fête. J'aime l'espèce, les grosses fesses, mais les gants si t'es en reste. Te la mets, se fait tourner, on remet ça la semaine prochaine. On enchaîne, on dort jamais, joue toujours plus comme Mongolier. La rue, la vraie, on la connaît, ouais c'est Bourbier. Grandis dans la mer, nos rues c'est l'enfer. Pour rien ça peine, pour rien ça peine. T'en fasses ou pas, j'en ai vraiment rien à foutre. Je me suis mis dol, ma mère j'ai arrêté le foot. La fille shoot, c'est à Laurent tu touches. La fréquence ne suit pas de chaque fois qu'elle a perdu le mou. T'as pas de raison qui fait pour y'a sous-sol. Je te de mon con au sous-sol. Sera ta sanction si avec les miens t'as fait le commis. Des guerres puis pour un poteau je te chez là. Grand petit moyen jamais je ne ferai le cela. De Marseille à Paname, ça bouge dans tous les coins. Prisma dans nos têtes, ça bouge dans tous les coins. Mon gars ce soir ça pète, ça bouge dans tous les coins. Attitude, gestuelle, flex, flex.